lorsque je t'ai rencontré, j'avais pas une thune en poche, ça, ça n'a pas changé. Mais aujourd'hui, t'es moche, alors tu vois, je peux pas rester. Tu vois bien qu'entre nous, ça cloche, et puis j'ai même pas de métier. Vraiment, faut pas que tu t'accroches. Ça fait déjà 10 ans déjà, eh bien tu vois c'est bien ce que je dis. Mais non, j'ai pas oublié ça, d'ailleurs on le fait jeudi. Au fait, je pourrais pas être là, vu que je pars demain midi avec ta soeur pour Calcutta. Tu viendras nous voir, c'est promis. Ouais, promis, allez. Ça nous ferait plaisir vachement avec ta soeur. Parle avec ta soeur et tu viens nous voir. Tu vois finalement ce qui me manquera, c'est la fraîcheur de tes enfants. Surtout Jérém et Olivia, Tatiana et Laurent, Michel, Denis, Marc et Tina, Claire, Marie et Vincent. Et je te parle pas de Nicolas, d'ailleurs lui non plus, parle pas à 12 ans. Ouais, je voulais pas t'en parler, mais quand même c'est drôle, 1m98, 103 kilos, qui parle pas, c'est pas moi qui l'ai fait, mais je m'inquiète quand même. Des enfants, si j'en avais voulu, je les aurais fait avec une autre. Alors ne sois pas déçu, car toi, t'es pas une autre. Ça, je l'ai tout de suite vu, brasserie des 12 apôtres, pendant que je te faisais, et que toi, tant un autre. Non mais t'as craqué là. Ouais, je sais, j'avais pas de rime pour terminer ma chanson, alors je me suis dit, s'il faut dire pour vendre des disques, ben on va dire.